السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهلي وصحبه أجمعين. أما بعد, donc la dernière fois on a pris un hadith. Déjà je m'excuse pour le dirs d'hier, j'ai pas pu le faire faute de temps. Et il se peut que ça se reproduise encore parce que des fois le programme journalier change d'une minute à l'autre, d'un instant à l'autre. Et on est tout le temps confronté à faire face à des imprévus de dernière minute. Donc on a pris le hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam enseignait le zikr à faire lorsqu'on entreprend un voyage et qu'on monte sur la monture, c'est-à-dire ce qui équivaut à notre époque au moyen de locomotion. طيب اليوم نخوض الحديث 86 86 حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم رواه مسلم وأحمد والنسائي. Donc selon Jabir, le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit prenez de moi vos rites, c'est-à-dire les rites du Hajj. Ce hadith-là est venu pour le Hajj en particulier, mais pour toute forme d'adoration. Donc là, ce hadith-là, je ne vais pas le prendre car il parle du Hajj et des manasiques du Hajj. Hajj que je n'ai jamais fait jusqu'à présent, juste la Umrah, bihamdillahi ta'ala. Donc, je préfère ne pas en parler de peur d'avoir mal compris une mas'ala ou autre, ou de mal traduire. Car en réalité, ce genre de rites ne sont vraiment assimilables qu'une fois qu'on les a accomplis, en fait. Celui qui n'a jamais fait la Umrah, quand tu l'expliques, ça paraît... Tant qu'il n'est pas sur place, qu'il ne voit pas les choses, quand on fait les choses, on les voit sur place, c'est très facile, alhamdoulilah. Mais quand on est loin et on n'arrive pas à concevoir l'emplacement, les lieux, tout ça, ben ça paraît dur, en fait. C'est un sentiment que j'avais ressenti au début de mon islam, quand j'essayais de faire la salat en lisant dans les livres. Pour apprendre à faire salat dans les livres, les petits livrets, ça me paraissait vraiment compliqué. Et un jour, j'étais au masjid, et j'ai fait la salat en groupe, et ça m'a paru tellement clair et tellement simple que je me suis dit, subhanallah, en fait c'est ça. Donc en réalité, c'est le tadbir qui est le meilleur moyen d'enseignement, l'application. Donc de là, je vais me contenter juste de donner ce que l'auteur a dit au début, et car après, ici, tu vas voir de Shir al-Islam qui explique un peu en détail les circonstances de ce hadith. يقول هذا كلام جامع استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله في حجه وجوبا في الواجبات والمستحبات ومستحبا في مستحبات. Donc ce hadith, c'est un hadith qui est un hadith d'ensemble sur lequel se basent les savants pour prouver la légitimité de faire tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait ou a dit lors du Hajj, qu'il s'agit des obligations ou des recommandations et autres. Wa huwa nadhir qawlihi fi as-salat sallu kama ra'aytumuni usalli. Kama anna dhalika yashmalu juz'iyyat as-salat kullaha. Et ce hadith, c'est l'équivalent du hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit accomplissez la salat comme vous m'avez vu l'accomplir. Et cela concerne toute la salat. D'accord ? Qu'il s'agisse des conditions, qu'il s'agisse des piliers, des obligations, des recommandations, et ainsi de suite. La salat, on doit l'accomplir comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a accompli. Et bien le Hajj, on doit l'accomplir comme il est accompli, et ça c'est valable pour toute adoration qui a été décrétée. D'accord ? Toute adoration qui a été décrétée, on doit l'accomplir comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a accompli et nous l'a enseigné. Donc ce hadith équivaut pour le Hajj, mais équivaut pour toute chose. Et le hadith de la salat équivaut pour la salat, mais il équivaut pour toute chose. Ce sont des hadiths de usul pour nous dire que al-qudwa ou al-uswa hiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que notre modèle à suivre, c'est lui. Dans tout ce que Allah Azawajal attend de nous comme acte d'adoration, fi hadhihi ad-dunya. Naam. Donc là, on va prendre le hadith qui suit, les deux autres hadiths qui suivent, Inch'Allah. Et celui-là, on va se contenter de ce que je viens de dire à l'instant. Et pour ceux qui veulent, qui comptent accomplir le Hajj, qu'Allah leur facilite, il y a plein d'ouvrages qui sont présents. Et je conseille à toute personne qui compte l'entreprendre, que ce soit le Hajj ou la Umrah, d'anticiper, de ne pas attendre sur place pour apprendre, mais de commencer à apprendre avant. Et sur place, ça va leur paraître clair. D'accord ? Au moins, déjà faire un ittila', une approche de la chose, quitte à demander aux gens qui l'ont déjà accompli. Et ensuite, les choses qu'ils n'auront pas comprises en lisant, ils vont les voir devant eux et ils vont comprendre. Et surtout, attention quand vous êtes là-bas, les frères et les sœurs, ne suivez pas les gens de la masse. N'imitez pas les gens. Les gens font énormément d'erreurs. Beaucoup de choses qui sont innovées, beaucoup de choses qui sont inventées, beaucoup de choses, de choses qui sont basées sur des hadiths qui sont faibles ou sur des ijtihadats de savants qui ne sont pas en conformité avec les hadiths. Donc attention à ne pas faire comme tout le monde fait. Car si jamais vous faites comme tout le monde fait, wallah, vous n'allez pas faire le hajj ni la umrah. Vous allez faire je ne sais quoi, un cocktail de gestes et de paroles, mais au final peut-être même que le hajj ne sera pas accepté ou la umrah ne sera pas acceptée tant qu'il y a des transgressions et tant qu'il y a des innovations dedans. Pour la plupart des gens, comme on l'a vu nous-mêmes sur place. Wallah azabillah. طيب يقول في الحديث السابع وثمانين 87 حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن رواه مسلم. Donc selon Abu Huraira, le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit la sourate قل هو الله أحد qu'on appelle sourate l'Ikhlas, d'accord, qui est la 112e du Coran. Il dit que cette sourate, elle équivaut au tiers du Coran, apporté par Muslim. Donc comment cela ? يقول تكلم أهل العلم على معنى هذه المعادلة بتوجيهات. Donc les savants ont expliqué qu'est-ce que cela voulait dire. Pour ne pas s'imaginer que quelqu'un qui aura lu قل هو الله أحد, par exemple, il aura lu trois fois, c'est comme s'il avait lu le Coran entier. On dit non, c'est pas ça qu'il faut comprendre. Faut pas comprendre comme cela. La meilleure explication qui a été faite, c'est que le Coran, il faut comprendre qu'il est sur, comme l'a dit Ibn Qayyim, sur trois, en trois parties. Soit des ahkam shari'a, des versets qui nous citent des règles dans les adorations et autres. Des ordres, des interdits, des recommandations, et ainsi de suite. Ça, c'est de 1. De 2, imma qasas ou akhbar, ou soit des récits et des contes et des informations concernant les communautés précédentes, avec leurs prophètes, ou des histoires qui sont déroulées auparavant, dans les communautés antérieures. Que soit il s'agisse des gens du livre ou d'autres. Allah Azzawajal nous raconte des faits qui se sont déroulés intérieurement et qui se sont déroulés lors de la révélation lorsque le Coran descendait sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et certaines d'entre elles, bien sûr, ou beaucoup d'entre elles, en fait, valent pour l'avenir également. Elles valent pour l'avenir également. Et troisième, imma tawhid wa ma'arif. Et l'autre partie du Coran, c'est le tawhid et la connaissance de Allah Azzawajal dans ses noms et attributs, et les choses qui sont relatives à l'invisible, ce qui touche à la aqida, à la croyance. Donc soit des règles de la sharia, soit des récits et des informations, ou soit alors tawhid et connaissance. Donc, surat qul huwallahu ahad, مجتملة على هذا وشاملة لكل ما يجب اعتقاده من أهل من هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها. Donc maintenant cette sourate, en fait elle, c'est celle qui est concentrée sur la troisième partie, à elle toute seule, même si elle est courte, elle ne parle que de tawhid et nous cite des noms d'Allah Azza wa Jal, des attributs qui sont eux, je sais pas comment dire en français, la base de tous les autres attributs. En fait, tous reviennent à ces attributs-là, qui sont cités dans cette sourate. D'accord ? Tous les autres attributs, en fait, sont comme un détail de ces attributs-là. Donc, lorsqu'on dit قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, c'est le قُلْ, là, il veut dire de le fait de dire et de croire. Et Allah, لفظ جلالة, هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية كلها. Ça vient de إله. إله, ça veut dire مألوه, qui veut dire l'adorer. Divinité. Dieu. D'accord ? C'est ça que ça veut dire de base. Et ce terme veut dire que, justement, toute forme d'adoration et toute dévotion ne lui revient qu'à lui seul. Al-Mahmoud Wahda. Il est celui qui mérite la louange complète et parfaite seul. Al-Mashkur Wahda. Celui que l'on remercie totalement. Et le remerciement des autres, des créatures, sont en fait une application de son remerciement à lui. Car comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Lamashkurillah, man, Lamashkurinnas, n'a pas remercié Allah, celui qui n'a pas remercié les gens. Donc quand on remercie les gens, ça équivaut, ça revient à remercier Allah azawajal. Allah, on le remercie lui-même, bizatihi, directement, et parfois on est amené à remercier Allah azawajal en remerciant les gens qui ont été des causes nous permettant de trouver un des bienfaits en ce bas monde que Allah azawajal nous a envoyé. Ces causes-là, tel frère t'a aidé, telle sœur t'a aidé, ainsi de suite, c'est Allah qui l'a voulu. Donc, remercier ces créatures revient à remercier Allah azawajal. Et dit l'ahad, يعني الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من صفات الكمال. Donc le Al-Ahad, qu'on peut traduire par le seul, ou le sens de unique, à peu près, est celui qui s'individualise par la perfection, qui se particularise par la perfection. Après, il y a des mots comme Majd, Jalal, c'est dur de les traduire un peu. C'est souvent Jalal, c'est splendeur un peu, ou Majd, c'est un sens qui est synonyme. La beauté parfaite, c'est la sienne. La hamd, la louange parfaite qui lui revient, c'est la sienne. Al-hikma, la sagesse parfaite, c'est la sienne. La rahma, la plus grande et la plus parfaite, c'est la sienne. Et autres, parmi tous les attributs de perfection. Allah Azawajal est l'unique à les posséder, à les avoir. Il n'a aucun équivalent. Donc il est Al-Ahad fa hayatihi wa quyumiyatihi. Il est l'unique justement dans la vie qu'il a, Allah Azzawajal, est une vie parfaite, sans début et sans fin. Mais il a la vie, Allah Azzawajal est vivant, Al-Hayy, parmi ses noms, Al-Hayy, le vivant, mais d'une vie parfaite. Wal-Qayyum, c'est celui qui se tient par lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a besoin de rien, et par lequel tout le reste se tient, et que tout a besoin de lui. Donc Allah Azzawajal, là-dessus, il est l'unique, dans son ilm, dans sa kudra, c'est-à-dire son potentiel, qui Allah Azzawajal est omnipotent, il peut tout faire. Wa azamatihi wa jalalihi wa jamalihi. Wa al-zalika. Tous les plus beaux attributs, Allah Azzawajal, on est qualifié avec perfection. Et cette perfection ne peut être apparente que si on affirme le contraire. Ça veut dire que, par exemple, tu dis qu'Allah Azzawajal, il a le ilm. Donc cela implique qu'il n'a pas de jahl. Pas du tout. Que Allah Azzawajal, il a la kuwa, la force, donc il n'a pas le dorf, abadan, il n'a pas de faiblesse, aucune. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on applique et que l'on déclare, que l'on proclame la perfection. Car comme on a parlé, une personne, par exemple, à titre à l'échelle humaine, tu peux lui donner un attribut. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le contraire. Tu veux dire, par exemple, un homme, il est fort. Mais malgré qu'il soit fort, il est également faible. L'être humain est faible. Tu dis, lui, pour un homme, c'est quelqu'un qui est fort. Malgré sa force, il reste un être humain, donc il a ses faiblesses. Des moments, il est malade. Des moments, il est fatigué. Des moments, il est à bout. Donc il est la faiblesse qui vient également malgré sa force. Kazalik, l'homme il a un ilm, il a un savoir, mais malgré tout, son ignorance est plus grande que son savoir. L'homme il est vivant, mais sa vie elle a un début et elle aura une fin. D'accord ? Et ainsi de suite. Alors qu'Allah Azza wa Jal, on renie tous les opposés à ses attributs. Il n'y a pas. Après, il dit justement, As-Samad, yakul Ar-Rabb al-Kamil wa Sayyid al-Azim al-Lazi lam yabqa sifatu kamel illa tesafa biha. Donc As-Samad, il y a eu plusieurs interprétations qui ont été faites pour As-Samad. Il y en a une qui vient qui a le sens de Ahad, à peu près. C'est-à-dire l'unique, également. Et il y en a certains qui disent La Jofala, celui qui n'a pas de cavité, c'est-à-dire que, contrairement à l'être humain, intérieurement, il est creux. Un Jof. Quand on mange, par exemple, notre nourriture, elle rentre dans notre corps. Allah Azawajal n'a pas cela. D'accord ? Il y en a, ils ont interprété As-Samad par ce sens-là. Et d'autres sens ont été donnés. Et là, celui que l'auteur veut donner, c'est que Allah Azawajal, il ressemble au sens du Al-Ahad. Et que Allah Azawajal a des attributs, il dit, on va lire attends, directement. Allazi lam yabqa sifatu kamal illa tasafa biha. Donc celui qui n'a laissé aucun attribut de perfection sans qu'elle soit attribuée. Wa wasf bi rayatiha wa kamaliha bi hithu la yuhit al khalaiq bi ba'd tilka sifat bi qulubihim wa la tu'abbir 'anha asnatuhum. Également qu'Allah Azza wa Jalla justement d'où la grandeur et la perfection de ses attributs que les cœurs ne peuvent assimiler si ce n'est le sens et que les langues ne peuvent expliquer. On ne peut s'exprimer en expliquant cela si ce n'est de façon limitée. Tant cela sont des choses qui nous dépassent. D'où le fait qu'il n'est pas permis de méditer fi dhatillah azza wa jal, de réfléchir sur les sens d'Allah. Allah azza wa jal, on croit en lui et on parle de lui comme il en a informé, sans chercher à trop expliquer et à trop vouloir comprendre. Car cela ne nous est pas possible. On n'a pas été créé avec un potentiel intellectuel et autre assez fort pour pouvoir comprendre cela. On comprend les sens, mais on ne comprend pas le comment. Car Allah Azawajal, il a un comment, mais ce comment nous est ignoré. D'accord ? Et on n'a pas à y réfléchir de toute façon. Et Allah Azawajal nous a informé de ces noms, ces plus beaux noms, qui sont plus nombreux que les noms qui ont été révélés. Et les attributs pareils. Allah Azawajal a des attributs qui n'ont pas été révélés. Mais on n'a pas à les chercher non plus. C'est pour cela que des fois, on a une personne qui va dire, est-ce que Allah Azawajal a tel attribut? Si jamais c'est un attribut qui renferme un sens de faiblesse ou quoi, on dit non. Ça, c'est pas possible. Par contre, si jamais c'est un attribut qui est un attribut de grandeur, de noblesse, un attribut qui est bon, mais qu'on n'a pas de preuve, on dit, on n'a rien qui ne le prouve, comme on n'a rien qui le renie. Donc, ni on affirme cet attribut pour Allah Azawajal, ni on dit qu'il ne l'a pas. On dit, on n'a pas de preuve dessus. Parce que parfois, il y a des attributs qu'Allah nous a pas donné de texte à son sujet, mais qu'il a. Donc, en disant, par exemple, quelqu'un va dire, Allah n'a pas tel attribut. On dit, qu'est-ce que t'en sais? Il n'y a rien qu'il a. Il n'a aucun texte qui dit qu'il n'a pas tel et tel attribut. C'est-à-dire, à part, comme je l'expliquais au début, si c'est un attribut qui comprend un sens qui est mauvais, ou un sens de manque, ou un sens de faiblesse. Mais dans l'essence des attributs qui sont à la base de la vertu, de la noblesse, qui sont vantés auprès de nous, on ne peut ni dire que Allah Azawajal l'a, ni ne l'a pas. Sans texte. Qui l'affirme ou qui le renie. Car les noms d'Allah Azawajal, ou plutôt on va dire, ces attributs sont tawqifis, on ne peut les prendre que par un texte divin. Alors que les noms, eux, de base, c'est la même règle, sauf que de chaque attribut, ou plutôt, enfin le contraire, je me trompe, De chaque nom, on en sort un attribut. D'accord ? Mais les noms, eux, Mathalène, on peut avoir un attribut sans pour autant avoir le nom qui va avec. Donc, je répète, en fait, ce sont les noms d'Allah Azzawajal, ces noms, ils sont tawqifi. On ne peut nommer Allah Azzawajal que parce qu'il s'est nommé lui-même. Et de chaque nom, on en tire un attribut. Même si on n'a pas un texte qui dit que Allah Azzawajal a tel attribut, par le nom qu'il va avoir, on sait qu'il aura l'attribut qui va avec. Mais par contre, il y a des attributs qu'Allah Azzawajal a, mais on n'a pas le nom qui va avec. L'exemple qu'on donne souvent, min sifatillah al-radab, la colère. D'accord ? La colère, c'est parmi les sifats d'Allah Azzawajal, ses attributs. Mais est-ce qu'on a un nom ? Al-radoub ? On n'a pas. Il n'y a pas ce nom-là. Le coléreux, par exemple. On n'a pas ce nom-là qui a été révélé. On a juste l'attribut. Comprenez ? Donc, chaque nom en arabe a l'attribut qui va avec. Mais ce n'est pas tout attribut qui a été donné, dont on a un nom qui va avec. Donc, le samad, c'est également un sens, comme selon ce que l'auteur a donné, un sens de particulier... je sais pas comment on dirait. C'est également un sens d'unique, en gros. En français, on pourrait dire comme ça. Il a dit également « وَمَسْمُودُ إِلَيْهِ وَالْمَقْصُودُ فِي كُلِّ شَيْءٍ لِكَمَالِهِ وَكَرَمِهِ وَجُودِهِ وَإِحْسَانِهِ » Et « samad » c'est également celui qui est recherché dans le sens, c'est celui qui est visé. Dans toute chose. C'est vers Allah Azzawajal qu'on revient. C'est celui qu'on se base et c'est à lui qu'on demande. Pour sa perfection et sa noblesse et sa bienfaisance et sa générosité. On revient tous vers lui, on le demande tous à lui, on se repose tous sur lui. Que l'on se rende compte ou pas. Et c'est pour ça qu'il a dit « Lam yalid wa lam yulad » qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté. Pourquoi ? Car toutes les créatures, à la base, sont enfantées ou proviennent d'une matière précédente. Notre père Adam n'a pas de père, n'a pas de mère, mais il est écrit à partir de terre. Donc il a une base, il a une origine dans la création. Il n'est pas venu du néant. Bien que Allah Azzawajal aurait pu le faire. Mais les créatures proviennent toutes, d'accord ? Soit elles ont été engendrées, ou soit alors elles ont été créées à partir d'une matière qui était déjà présente. Alors que Allah Azzawajal, lui, non. Il n'a pas été enfanté. Tout comme il n'enfante pas, il crée. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Que notre seule parole, si on veut une chose, qu'on dit soit et elle est. Et cela vient également, pour, comme vous le savez, pour démentir la croyance des Nassara, des chrétiens qui disent que Allah est un fils. Ou les gens qui disent que nous sommes tous les enfants de Dieu, comme ils prétendent. On dit c'est faux. Allah est notre créateur, il n'est pas notre père. Car définir comme étant un père, ça va amener à un manque qu'il aura engendré. Qu'il aura engendré. Et là, dans son verset, il dit bien « Lam yalid wa lam yulad » qui n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Donc il a renié de lui-même le fait que on lui attribue l'enfantement ou autre. Et ça, ce sont des choses qui sont valables pour la créature seulement. Où il dit « Wa lam yakun lahu kufuwan ahad » et qu'il n'a pas d'équivalent. « Laysa lahu nazir » Wala mukafi'un. Wala mukafi'un wala mathilun. La fi asma'ihi wala fi awsafihi. Wala fi af'alihi wala fi jami' huquqihi allati ikhtassa biha. Donc Allah Azza wa Jal n'a aucun équivalent et aucun semblable. Ni dans ses noms, ni ses attributs, ni dans ses actes. Et ni dans tous les droits qui lui reviennent. Ces droits-là, justement, que lorsqu'ils sont attribués à autrui, on aura fait du shirk. Tout ce qui est propre à Allah Azzawajal, qui revient à Allah Azzawajal, il n'a pas d'équivalent. C'est pour cela que celui qui va faire une chose qui revient à Allah Azzawajal à autre que lui, aura commis du shirk. Qui peut être akbar ou asrar, cela dépend de la chose qu'il a faite et de ce qu'il y a dans son cœur par rapport à ça. Car il y a des actes d'adoration, comme vous le savez, sont du shirk akbar directement. Et d'autres, il y a un détail sur la question. Donc cette sourate, elle équivaut au tiers du Coran, car elle est la seule qui renferme ses sens, c'est-à-dire que ses attributs, qu'on a cités là dans cette sourate, tous les autres y reviennent. Tous les autres reviennent à ces attributs-là qui sont que Allah il est unique en toute chose et qu'il est parfait en toute chose. Donc quand on dit Ar-Rahman, c'est dans Rahma qui est parfaite, qui revient à son rang. La force qu'il a, elle est parfaite, c'est celle qui revient à son rang. Son Sam, son Oui, c'est celle qui revient à son rang. Elle est unique, et ainsi de suite. D'accord? Les autres sifat sont comme des détails de ces sifat-là cités dans cette sourate. Donc elle équivaut le tiers du Coran. Bien qu'elle soit courte, mais son sens, il est immense. Il est immense. Non. Taïb. Thumma nakhouz al-hadith al-thamin wa thamanoun. أو ثمانين. 88 حديث. يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه. Qu'il a dit ابن مسعود que le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit qu'il n'y a pas de jalousie hormis dans deux choses. Un homme à qui Allah aura donné de l'argent et qui l'aura dépensé dans le vrai, dans la vérité. Et un homme à qui Allah Azzawajal aura donné la sagesse, c'est-à-dire le savoir, et par lequel il jugera et qu'il enseignera aux autres. Non. Donc là, dans ce hadith, on voit que le hasad, à la base de ce hasad, c'est quoi ? Talab izarat al-ni'ma an al-ghayr. Le hasad, qu'on appelle la jalousie, et celle qui est mauvaise, c'est le fait de vouloir faire disparaître les bienfaits présents chez autrui. C'est ça la jalousie qui est interdite en religion. Quelqu'un a un bienfait, tu ne veux pas qu'il l'ait. Même si toi ce bienfait tu l'as déjà ou tu ne le veux pas, pour toi c'est qu'il ne l'est pas. Par exemple, t'as les gens, ils sont riches, ils voient un pauvre qui commence à devenir riche, ils veulent pas qu'il soit riche, ils n'ont pas lui. Pourtant il est riche lui-même, c'est-à-dire qu'il l'a. Il a rien à envier à l'autre. Tu vois. Il veut pas sa richesse, parce qu'il a déjà une riche. Il se trouve, il est plus riche que lui. Mais malgré tout, il dit, un tel, je ne veux pas qu'il soit riche. Ça sera de la jalousie. Un tel, je ne veux pas qu'il ait de science. Un tel, je ne veux pas qu'il ait de notoriété. Un tel, je ne veux pas qu'il se marie avec telle femme. Même s'il est déjà marié, il veut pas d'elle, mais il veut pas qu'un tel se marie avec telle femme. Ou telle soeur se marie avec tel mari. Avec tel homme. Un tel, je ne veux pas qu'il aille à tel endroit. Un tel, je n'aime pas qu'il ait telle et telle chose. Un tel, ceci, un tel, cela. Que tu n'aimes pas qu'une personne ait une chose, que tu la veuilles ou non. Et lorsque cette chose, cette personne la perd, au fond de toi, tu es content. Ça, c'est très très grave, car ça revient à contester ce que Allah Azzawajal a décrété comme bienfait qu'il accorde à ses serviteurs. Ça remet en question ta foi dans le destin. C'est comme si tu disais que Allah a donné ça, donc c'est pas juste, il mérite pas, cette personne ne mérite pas telle chose. Je veux pas qu'il ait telle chose, mais c'est pas toi qui décide, c'est Allah Azzawajal qui décide. Donc la jalousie, c'est un beb qui est wa'asir, qui est très large. Et également, il est parmi les deux principaux défauts qui ont coûté le kufr de Iblis, qui était al-kibr ou al-hasad. Car Iblis a refusé, comme vous le savez, d'obéir à Allah Azzawajal lorsqu'on lui a ordonné de se prosterner pour Adam. Il s'est vu meilleur que lui. Et Iblis a jalousé Adam. Tous les bienfaits qu'Allah Azzawajal a donné à Adam, Iblis s'en voyait plus méritant et ne voulait pas que Adam les ait. Donc sa jalousie et son orgueil lui ont valu d'être, qui vous savez, Al-La'in, le maudit, ou Rajim, qui sera lapidé et qui sera au feu éternellement, lui et ceux qui le suivront. Donc la jalousie, il faut faire très attention. Et cette jalousie, elle est bien plus présente chez les femmes. Car les femmes se regardent plus les unes les autres. Les femmes ont plus tendance à se regarder ce qu'il y a chez l'autre, qu'est-ce qu'elle a comme vêtements, les enfants des autres, la maison des autres, leur mobilier, leur cuisine, et ainsi de suite, et leur physique. Donc on trouvera la jalousie plus présente entre elles. Et aussi la jalousie, on la trouve dans les gens qui sont dans un même domaine. Par exemple, tu verras des gens dans le commerce, un commerçant va jalouser un autre commerçant. Mathalan. Un étudiant va jalouser un autre étudiant. Un savant, oui, les savants également sont amenés à être jaloux, va jalouser un autre savant. Car un savant va voir que il a plus de l'autre a plus d'élèves que lui, l'autre a plus de notoriété que lui, l'autre a plus de les gens vont plus vers lui, ainsi de suite. Le savant, il est un être humain qui est également exposé à ce genre de choses. Sauf que lui, quand ça lui arrive, c'est plus grave que d'autres. Et tu verras pas, par exemple, un commerçant jalouser un étudiant. Parce que lui, c'est pas son domaine. Lui, c'est pas l'ilm qui l'intéresse. Lui, c'est l'argent, faire de l'argent. Donc, il va jalouser des gens qui sont dans son domaine, qui font plus d'argent que lui, ou qui ont des choses que lui voudrait avoir, ou que eux, lui ne voudrait pas qu'ils aient. Dans la médecine, pareil. Un médecin va jalouser un autre médecin. Et souvent, de façon générale, les gens de la dunya, même s'ils sont plus larges, se jalouseront. Pourquoi un tel, il a telle voiture? Pourquoi un tel a telle maison? Pourquoi un tel a tel salaire? Car eux, de façon générale, ils rentrent dans le même domaine qui est la dunya. Donc ils vont se jalouser. Et la jalousie, c'est un sentiment qui est chez l'être humain, qui est extrêmement dangereux. Et il a dit chez l'islam, qu'il n'y a pas un corps sans qu'il ne soit, sans que la jalousie soit présente. Cependant, il y a ceux qui le combattent, et il y a ceux qui l'extériorisent. La jalousie, tous on la ressent. Mais cependant, il y a ceux qui la refoulent en eux, qui arrivent à la refouler en eux, à la combattre, et ceux-là, ils sont récompensés. Et il y a d'autres qui laissent libre cours. Ils sont jaloux, ils le montrent. Ils le disent. Même s'ils ne veulent pas l'admettre, on dit « Ahi, c'est ada hasad ». Il dit « Non, non, c'est pas du hasad. C'est pas de la jalousie. » Et malgré cela, ils laissent libre cours à leur jalousie et ils font beaucoup de maux. Ça amène à la calomnie, ça amène à la médisance, ça amène même à porter de haïn, à porter le mauvais œil aux gens. D'accord ? Ça amène à plein de choses qui sont mauvaises. C'est une graine qui fait pousser des mauvaises plantes. Et tu verras que le jaloux, j'ai fait une conférence sur la jalousie pour ceux qui veulent y retourner, le jaloux, en réalité, c'est lui le perdant. Car c'est lui qui a mal. Alors que le jalousé, il s'en rend même, peut-être même pas compte. Mais le jaloux, c'est quelqu'un qui se ronge de lui-même de l'intérieur. Il fait du mal à lui-même. Comme des salafs, ils ont dit que cette jalousie, c'est une maladie qui est juste. Pourquoi ? Elle ne fait du mal qu'à celui qui la ressent. La jalousie ne fait du mal qu'au jaloux. Et plus l'autre qui est jalousé se comporte bien avec lui et a du bien, et plus cette jalousie, elle le ronge, elle lui fait du mal. Donc en réalité, le jaloux, faut se conseiller à soi-même. En étant jaloux, on ne se fait du mal qu'à nous-mêmes. Allah. On ne fera du mal à personne d'autre. Tu pourras jalouser quelqu'un, si Allah il veut, il lui donnera tous les biens de la terre, et tu ne pourras rien faire. Ni en empêcher, ni en rajouter. Wallah azbillah. Taïeb. Donc cette jalousie-là, il y a celle-ci qui est mauvaise. Et l'autre qui est Mahmoud, en fait, elle s'appelle Al-Ribda. En fait, c'est l'envie, la bonne envie. Comme dans le hadith, que quelqu'un il ait une chose et que toi, tu souhaiterais avoir la même chose que lui sans lui retirer de ce qu'il a lui, mais pour faire du bien comme lui. Pour avoir les avantages que lui il a. Sans souhaiter de lui retirer à lui. Ça, c'est le ribda et ça c'est louable. Comme prouve le hadith. Un frère, il a du ilm, tu dis, ah, j'aimerais bien avoir autant de ilm qu'un tel ou plus que lui, sans pour autant que lui ne perde le sien. Pour faire autant de bien que lui. Ou un tel, il a de l'argent, j'aimerais avoir de l'argent comme lui, peut-être plus que lui, pour faire le bien que lui fait avec son argent. D'accord? Ou une sœur, elle dirait, j'aimerais bien que mon mari m'aime, comme Fulana, cette sœur, son mari l'aime, pour pouvoir avoir la compense pour Allah Zawajel, être une bonne épouse. Et ainsi de suite. Ou même la beauté. Elle dirait, j'aimerais bien être belle, comme Fulana, pour être belle comme ça à mes yeux de mon mari, pour pouvoir lui plaire et être récompensée. Et ainsi de suite. Vous voyez? Ça veut dire qu'on envie une personne pour une chose, une qualité qu'elle a. Mais cette qualité, elle est au service du bien. Et l'intention de la personne, c'est d'en faire du bien. Par contre, lorsqu'on prend cette qualité-là, on la souhaite pour soi-même, pour une raison futile ou mauvaise, alors là, ça devient un mal. Même si tu ne souhaites pas que la personne le perde. Par exemple, une personne, tu envies une personne qui est riche. D'accord ? Une personne qui est riche, c'est souvent le cas. Les gens, c'est souvent ça, leur priorité, c'est la dunya, c'est l'argent. Faut pas se voiler. D'accord? C'est l'argent. Et c'est la fitna de cette communauté, c'est l'argent. Donc, un frère va voir un autre frère qui a de l'argent. Et ce frère qui a de l'argent, il fait beaucoup de bien avec. Machallah, des sadakas, il aide les gens, il dépense pour sa famille, ses parents, il l'aimait bien, ainsi de suite. Et l'autre, il dit, ah, j'aimerais avoir de l'argent comme un tel. sans souhaiter que ce un tel personnage, attention, il a besoin d'en avoir autant que lui plus que lui. Mais pourquoi faire ? Non, c'est pas pour faire le bien que l'autre y fait avec, mais pour être, avoir une vie confortable et peut-être même faire du haram avec. Qui sait ? D'accord ? Et bien là, à ce moment-là, ça devient mauvais pour lui. Il n'entrera pas dans le jaloux, mais entrera dans la mauvaise envie. Posséder ce que autrui possède, mais pour ne pas faire le bien avec autrui fait. Ou d'autres, par exemple, pour le ilm. Il va dire, oh, j'aimerais bien avoir autant de ilm qu'un tel, avoir appris comme un tel, ainsi de suite. Mais est-ce que c'est pour faire le bien comme l'autre qui fait avec son ilm, qui l'enseigne, qui l'applique? Non. Lui voudra avoir du ilm pour avoir les avantages mondains qui vont avec. La notoriété, la gloire, le succès, et avoir les gens autour de lui. Et devenir une référence, mais pas pour forcément que le bien soit, les gens soient dans le bien, mais une référence pour être, lui être élevé aux yeux des gens. Et ben lui sera mauvais pour lui de faire cela. Même s'il ne souhaite pas que l'autre, qui est son exemple, perde de son ilm. Lui dit, je voudrais avoir un tel, autant de ilm qu'un tel, mais il ne fera pas le bien qu'un tel fait avec ce ilm. Et ben ça, c'est mauvais également. C'est une mauvaise chose. Donc, bien différencier entre al-ribda ou al-hasad, pour récapituler. D'accord ? Al-hasad, c'est souhaiter que les gens perdent les biens qu'ils ont. Même si tu les aimes, si tu ne les veux pas. Que un tel a une chose, tu ne veux pas qu'il l'ait. D'accord ? Ça, c'est le hasad, c'est la jalousie. Et dedans, ça peut être également une personne qui souhaite avoir ce que l'autre il a, que l'autre ne l'ait plus, mais que lui, il l'ait. Tant que tu souhaites que la personne ne l'ait plus, ça rentre dans le hasad. On a al-ribda, l'envie, la bonne envie qui est d'envier les biens que les autres ils ont, et qu'ils font avec, pour faire comme eux. Ou voire même, s'ils ne font pas du bien avec, toi faire du bien avec. Par exemple, tu envies un riche, qui est riche, mais que son argent il fait du haram, tu dis, moi j'aimerais avoir autant d'argent qu'un tel, mais pour faire du bien à moi. Ça serait une bonne envie celle-ci. Al-ribda et tayyiba. Et tu as al-ribda, celle qui est mauvaise, l'envie qui est mauvaise, c'est le fait de vouloir ce que les autres ils ont, sans pour autant vouloir que eux ça disparaisse de leurs mains, mais toi tu vas faire du mal avec. Comprenez ? Donc c'est pour cela que ce qui est vanté dans le hadith, c'est de vouloir de l'argent, mais pourquoi faire avec ? Faire du bien. Et vouloir du ilm, mais pourquoi faire pour faire du bien avec ? On a pris dans le Bayan Nawawi il y a pas longtemps un hadith de Abi Dhar. C'était, je crois que c'était lundi dernier, lorsque les sahaba ils ont dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Zahaba al dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumun kama nasum. Il a dit, ils ont dit, les gens de la richesse ont plus de récompenses que nous. Ils font la salade comme nous, ils font le jeûne comme nous, mais en plus de cela, ils font du bien avec l'argent qu'ils ont, alors que nous, on n'a pas d'argent. Donc regardez bien, ils ont envié les riches, mais pas pour le confort de vie, pour faire du bien avec cet argent-là. Donc ils rentrent dans ce hadith-là. Là. Ils rentrent dans ce hadith-là. Ils veulent du bien, du bien matériel, de l'argent, pour faire quoi ? Des aumônes avec, faire du bien avec. Donc là, c'est noble. C'est louable. D'accord? C'est une bonne nia. Malheureusement, c'est trop rare chez les gens. Car souvent, on va dire, j'ai besoin de l'argent pour faire telle et telle chose, comme bien, une fois que l'argent, il est là, en réalité, eh ben, t'es éprouvé pareil, et c'est une tentation, et tu fais du mal avec. Ou au minimum, tu te fais pas bien avec. Aux autres. Que pour toi. Et dans les choses inutiles. Et ça, on l'a connu. T'as de l'argent, et tu vas le dépenser dans les choses qui sont inutiles, en réalité. T'en as pas besoin. Un confort en plus, dont tu n'as pas besoin. Subhanallah. Donc voilà en gros par rapport à ce hadith. Donc je m'excuse pour le hadith le 86e, d'accord, car je n'ai pas pu vraiment vous l'expliquer. Par crainte une fois de plus de ne dire ce qui n'est pas convenable. Et on a pris les deux autres hadiths. Et donc tout à l'heure il y aura le dias d'Arba'in Nawawiyah prévu, Inch'Allah après l'Isha. Biznillah ta'ala. Fanaktafi biyad al-qadr. Fasubhanaka wa bihamdik. لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته